Maman c'est le kete, dika grimace. Est-ce que yo le kinyo kana colère? Bonico, Adida Kiesi, bien colou kousa. Joseph Profa, Abbé Mitterrand, Apo Mbenza. Panyamae, baoulou, na zuiteo, na pesi yose, kemboa bolingo oyo. Bienvenue Kanza. Le grand Libanais. Badiamae Paolo, na zuiteo na pesi yose, tebwa bolingo oyo. Enfin, Kin Malebo. Badiamae Paolo, na zuiteo na pesi yose, tebwa bolingo oyo. Jojo, Salon Abiba. Papa wemba yemela ye azu akata consolation moya mamu tambe futite mie wabo mina tata katama nakosa kitu ya kukupatia tata wangu mapendo to ya lazima apa dunia ina maki mima jaki kalema wazio kasite bosa nyeko kikote kisa boli mwana mana kolu. Pablito, papi est voilà. Alain Tamba Tamba, Pichu Bongwe, moi la Suisse. Tana, viva, toye, c'est ça, oye, mouvement, pesa, awa, c'est ça, toyo. Mama, benda, papa, quand j'aime mon papa, pino choco. Tana, viva, stop, voilà. Como Beni, yo calo la calle.